13h15 dans les studios de la radio associative indépendante, le journal en français au rendez-vous. Le journal avec Willy Sintayehoura. Niki Ineza est de l'autre côté vitré. D'abord, le sommaire. Les eaux stagnantes qui se remarquent toujours dans certains quartiers de Gatumba, zone de la commune Mutimbuzi, inquiètent ces anciennes victimes des inondations au lendemain de la saison pluvieuse. Vous entendez plus dans cette édition. L'une des solutions au manque de devises qui se remarque au Burundi est la réouverture des bureaux de change. Vous entendez dans cette édition Antoine Mouzaneza, président de l'Association des commerçants du Burundi, qui le dit. Les enfants n'ayant pas 16 ans ne devraient pas être employés. Ce sont des propos de la Sosie Paillet. C'est dans la chronique sur le droit de l'enfant. C'est jeudi, comme à l'accoutumée. Bienvenue. Bon après-midi, les eaux dues aux inondations qui ont frappé la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, stagnent toujours dans des quartiers de cette zone. Les habitants de cette localité se disent inquiets au moment où la saison pluvieuse approche. Ces citoyens demandent au gouvernement de mettre en application ce qu'il leur avait promis, plus avec Venanio Mungeri. Les quartiers Kinyinya 1 et 2, Mouchacha 1 et 2, Muyang 1 et 2 et Gaharawe de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura ont été touchés par les inondations. Qui seront les habitats? L'origine de ces inondations reste inconnue. Certains pensent que ces inondations trouveraient origine à la montée des eaux du lac Tanganyika, alors que d'autres affirment que la Rusizi aurait dévier son chemin actuel. Ces inondations ont causé des instabilités sociales dans la région. On notera des habitants qui ont fui leur ménage, des infrastructures qui ont été détruites, des élèves qui ont été contraints de quitter les écoles avant que l'année scolaire ne se termine pas. Au moment où ces habitants espéraient ne voir ces inondations pour la saison sèche, ça n'a pas été le cas car ces inondations sont encore remarquables dans certains quartiers parmi ceux qui avaient été affectés. Certains habitants commence à venir occuper les lieux où les zones s'observent pris, mais l'effectif de ces derniers est encore à un niveau bas. Ceux dont les parcelles sont encore inondées ne voient pas comment ils vont vivre au moment où la saison pluvieuse approche. Ils lancent un appel à l'État de mettre en application ce qu'ils avaient entendu pour que ces quartiers deviennent praticables comme auparavant. Cette catastrophe qui date du mois d'avril 2020 a affecté plus de 40 000 personnes, soit au total près de 8 000 ménages et a causé le déplacement de plus de 17 000 personnes vers trois sites. Merci Vena Nyomungere de Bujumbura vers Ngozi. L'administration de la commune de Ngozi signale à ceux qui ne sont pas en train d'exécuter les démolitions des constructions anarchiques dans la commune de Ngozi qu'ils seront considérés comme des récalcitrants après la date limite du 31 août fixée par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, le dit Joseph Martin Boutoumi, administrant la commune Ngozi. La population, quant à elle, relève les défis liés au coût élevé des activités de démolir et de reconstruire, d'où la demande de prolongation du délai fixé au 31 août. Depuis Ngozi, Longe Hassamagar. La date du 31 août de cette année, c'est la date limite prise par le gouvernement dans le cadre d'appeler à la population de démolir toutes les infrastructures construites anarchiquement. L'administrateur de la commune Ngozi, Boutchoum Joseph Martin, se dit satisfait des pas franchis par la population. Néanmoins, il en appelle à celui qui n'a pas encore mis en application cette décision du gouvernement de se ressaisir. Sinon, il sera considéré comme un récalcitrant. Ça fait plusieurs jours, le gouvernement a pris une décision invitant la population ayant des infrastructures qui ne respectent pas les 6 mètres aux abords de la route nationale de le démolir. C'est dans ce cadre qu'au niveau de notre commune, on a appelé la population à travers des communiqués pour qu'elle puisse répondre à l'appel du gouvernement. L'appel a été répondu, sauf des infrastructures comme la banque CB et COPEC qui ont demandé une petite dérogation. Néanmoins, celles-ci doivent se conformer à la date limite fixée par le gouvernement. C'est pourquoi alors que je lance un appel à ces gens qui ralentissent les travaux de se ressaisir, car après la date du 30 août de cette année, celui qui n'aura pas terminé à démolir son infrastructure construite anarchiquement sera considéré comme un récalcitrant. Et ce dernier n'a pas de place dans notre pays. Dans la ville d'Ngozi, bon nombre de gens ont déjà commencé ces travaux, mais il y a ceux qui n'ont pas encore commencé. Contactés par la radio Bonesha FM, ils nous ont affirmé que le retard de ces travaux n'a d'autre motif que le manque de moyens, surtout que démolir ou reconstruire toutes ces activités demande des moyens financiers. Ils demandent au gouvernement de leur accorder un autre intervalle. Depuis Ngozi, Longin Hassan Magara, RSF, Bonesha FM. Merci Longe Hassan Mangara, toujours en Ngozi. Bref, politique, les membres du comité central du parti au pouvoir CNDD-FDD se réunissent en Ngozi pour deux jours. Le thème de ces assises est Bagumyabanga, faisons l'unité dans l'action, le renforcement de l'esprit patriotique, la solidité au travail et mettre le peuple au cœur de tous nos actes. Le point à l'ordre du jour de cette rencontre ne sont pas encore relevés. Après une courte pause, le journal continue. Je vous le disais en titre, la réouverture des bureaux de change pourrait aider à trouver solution au manque de devises qui se remarque dans le pays. C'est la déclaration d'Antoine Muzaneza, président de l'association des commerçants du Burundi, Akobo en sigle. Il affirme que la fermeture de ces bureaux de change bloque les petits commerçants dans leurs activités. Suivez Antoine Muzaneza, président de l'Akobu, traduit en français par Seif Iradukund. L'inconvénient principal que nous avons remarqué, c'est que les petits commerçants semblent être oubliés, car en ce qui concerne les devises, nous avons beaucoup insisté sur ça dans des réunions pour que les bureaux d'échange soient réouverts. Pour pallier au manque de devises qui se remarquent dans le pays. Ces commerçants amènent ces devises, ce qui permet de mettre en marche la circulation monétaire dans le pays. Les petits commerçants qui vont s'approvisionner en Ouganda, au Kenya, je ne peux pas nier qu'ils sont bloqués, mais seuls les grands commerçants qui travaillent avec licence ou crédoc sont capables aujourd'hui de s'approvisionner. Nous demandons pour que ces petits commerçants eux aussi aient l'autorisation de travailler formellement, car ce sont ces derniers qui sont la fondation du développement. Franchement, il faut que l'État trouve solution concernant la fermeture de ces bureaux de change. C'était Antoine Muzaneza, président Lakobu. Et de l'autre côté, les ministères en charge de l'éducation et celui en charge de l'agriculture devaient collaborer pour que les programmes d'enseignement soient cohérents avec les objectifs agricoles. C'est du moins ce qu'indique Damas Nilanyibagira, expert en agriculture, qui fait aussi savoir que, une fois formalisée cette coalition entre ces deux ministères, il y aurait des avancées en matière de développement du secteur agricole. Il précise également que les cadres du secteur agricole sont formés par les enseignants. Suivez. Le lien existe entre l'encadrement et l'enseignement agricole. Parce que sur terrain, le ministère de l'Agriculture, les projets, les administrations personnalisées utilisent des cadres agricoles qui ont été formés dans les universités, les écoles d'enseignement agricole. Ça veut dire que entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation et des universités, il devrait y avoir des rencontres pour harmoniser, pour se donner des informations, pour valider le programme d'enseignement, pour que le programme d'enseignement soit cohérent avec les orientations, les objectifs du ministère de l'Agriculture. Donc, pour moi, j'encourage qu'il y ait une formalisation de cet échange entre les institutions chargées de l'agriculture et celles qui sont chargées de l'éducation des cadres agricoles. Dans l'économie, toujours, tout Burundi est capable de créer une entreprise. C'est un appel du Premier ministre Burundi Alain Guillaume Bunyoni à l'occasion de l'ouverture du 4e salon industriel qui se tient à l'hôtel Source du Nil dans la capitale économique Bujumbura depuis ce jeudi. Le Premier ministre Burundi demande à la population burundaise de faire recours en premier aux produits fabriqués au Burundi au lieu d'acheter le plus les produits occidentaux. Alain Guillaume Bunyoni. Notre pays vient de passer 15 ans dans la paix et la sécurité et nous comptons effectivement le préserver pendant encore des années, des décennies et des siècles à venir. La paix et la sécurité sont des facteurs primordiaux de tout investissement. C'est donc le temps favorable pour inventer de nouvelles techniques et des technologies nouvelles. Implanter de nouvelles industries, améliorer la chaîne de valeur dans le secteur productif de notre pays, produire beaucoup et intensifier notre commerce tant sur le plan national que sur le plan international. Certains Burundais ont été très créatifs et même plus créatifs que d'autres ces dernières années. Lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont mis sur pied des industries qui font honneur à leur province et au pays tout entier. Aujourd'hui, je viens leur demander deux choses. La première chose, c'est qu'ils ne se reposent pas et qu'ils n'arrêtent pas de prendre des initiatives et d'imaginer de nouvelles possibilités. Deuxièmement, c'est de revoir et d'améliorer la chaîne de valeur de leur industrie, de leur entreprise ou de leur groupe. Il y a très peu d'industriels qui fonctionnent sur des produits locaux. Il y a encore très peu qui ont véritablement organisé de façon ordonnée leur système de distribution, qui dispose de groupes industriels opérant en synergie de production et de distribution sur le plan national que sous-régional. Arrestation d'une vingtaine d'anciens employés de la société Generation Trading Company GTC en sigle, société sous-traitante d'Ama Construction, et a gagné le marché de construire le nouveau bâtiment qui abritera la Banque de la République du Burundi, Berbé, le matin de ce jeudi. Ces employés avaient observé un sit-in devant le bureau de GTC depuis la journée d'hier pour réclamer les arriérés sur salaire variant entre 278 000 et 900 000 francs bouts chacun. Salvatore Bimenyimana, le chargé des ressources humaines au sein de la GTC, dit ne pas savoir le mobile de cette arrestation, mais estime que ce sont ceux évrants aux alentours des bureaux de la GTC qui auraient alerté la police suite aux perturbations faites par ces anciens employés. Pour les anciens employés, ce sont des enjeux de la GTC, l'un d'eux. Arrivé ici devant l'officier de la police judiciaire, notre patron n'est pas venu. On nous a dit qu'on va l'amener avec un pick-up, mais en vain. En un mot, la police ne nous a rien dit. On nous a dit que c'est une affaire civile, c'est-à-dire qu'on doit aller à l'inspection générale du travail ou bien de prendre des convocations. On nous a dit qu'il nous doit amener ici pour protéger notre patron. Mais nous n'avons pas cette intention et on nous a arrêtés immédiatement. Notre patron a sorti une affiche hier, mais nous avons préféré d'y revenir pour demander notre salaire. Nous connaissons que c'est un escroc. C'est pourquoi nous revenons toujours. Il ment parce qu'il est au courant de notre arrestation, car la police ne peut pas arrêter n'importe quelle personne. Que notre président nous vienne en aide. Après ces arrestations et après audience, ils ont été relâchés et interpellés à faire recours à la justice après une courte pause chronique sur le droit de l'enfant. Chronique sur les droits de l'enfant sur Bonne FM. Dans la chronique sur le droit de l'enfant de ce jeudi, nous vous parlons de l'emploi des enfants moins de 16 ans. L'association qui milite pour les droits de l'enfant, Sojepaye, affirme que la loi burundaise n'autorise pas les enfants à l'âge inférieur à 16 ans d'être employés, mais peut toutefois exercer des petits travaux ménagers. David Ninganza, directeur de la SOGEPA, il lance un appel aux parents de ne pas laisser leurs enfants être exploités. Mireille Naomi Nitegeka nous a préparé la chronique. Un enfant de moins de 16 ans est un enfant qui a encore besoin d'affection parentale et besoin de grandir dans un environnement sain. David Ninganza, œuvrant dans la protection des droits de l'enfant, nous montre la différence entre un enfant employé et un enfant qui aide à la maison dans les travaux ménagers. Mais il faut différencier les enfants qui participent dans le développement familial, dans la production familiale, avec les enfants employés. Les enfants employés, la loi est claire. On ne peut pas employer un enfant de moins de 15 ans. L'enfant de moins de 16 ans, il travaille avec les parents, il y a aussi des travaux légers. Mais un enfant qui peut être employé, c'est un enfant de 16 ans, 17 ans, aussi des travaux légers, dans le sens de ne pas fragiliser sa santé. Le directeur de la SOGEPAE Burundi précise qu'il y a un âge approprié pour le travail et que l'enfant ne doit pas être employé pour des travaux qui demande beaucoup de force physique. Il a encore besoin du développement physique. C'est-à-dire que l'enfant qui peut travailler 16 ans, 17 ans, ne peut pas être exploité dans les minerais, dans le sous-sol, avec des travaux qui peuvent risquer le risque de sa vie au niveau physique, mental, intellectuel, ainsi de suite. L'exploitation économique est interdite. Est interdite par la loi burundaise et par aussi la loi internationale. David Ninganza interpelle les parents ainsi que les David Ninganza interpelle les parents ainsi que les enfants de ne pas tomber dans le piège et être emportés par la pauvreté et envoyer les enfants dans le lieu qui vont les faire perdre même la bonne éducation qu'ils ont reçue. Il a profité pour interpeller aux parents de prendre la responsabilité, de ne pas céder à la pauvreté, de ne pas démissionner à cause de la pauvreté, à cause de la conjoncture économique. Le parent doit protéger ses enfants dans n'importe quelle circonstance. Et aussi, je fais un crédit aux gens qui s'occupent de la protection de l'enfant, que ce soit de la société civile, de la police, de la police de la protection civile, de la police des mineurs, dont disait le pouvoir pour limiter les dégâts qui peuvent surgir si une fois les enfants sont employés. Vous saurez que dans cette période des grandes vacances, s'observe beaucoup des enfants qui travaillent pour aider les parents à trouver les moyens pour le matériel scolaire, pour la rentrée scolaire. Actualité internationale. À l'international, la population d'Ouvira a donné une assistance en vivres et non vivres forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce mercredi 25 août 2021 à l'état-major du secteur opérationnel Sukola 2, c'est aussi de Kivu, à travers la coordination de la nouvelle société civile congolaise. Depuis Ouvira, Jean-Bert Kimas, Lulacha. Selon les coordinateurs de la nouvelle société civile congolaise, M. André Biadounia, c'est dans le cadre de soutenir les opérations militaires lancées par les FARDC dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga. Cette donation de la population d'Ouvira est constituée de 24 sacs de 25 kg de farine de maïs, un sac de 25 kg de riz, un sac de 25 kg de sel de cuisine, 600 poissons fumés mikeke et une quantité de médicaments. C'est le commandant second des secteurs opérationnels, le Sokola Sud, qui a réceptionné cette assistance. Le général de brigade Banza Kabulo Joseph remercie ce geste et demande à la population du sud de la province de continuer à soutenir les militaires loyalistes dans les opérations qu'ils mènent pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Notez, c'est depuis jeudi 12 août dernier que l'armée congolaise a lancé des opérations de traque et de déserteurs, ainsi que tous les porteurs illégaux d'armes. Jean-Bert Marcelulacha, Ouvira pour RCF Bonnechère FM. À 13h34, minute, point final à ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayehura et un bon après-midi et bonne suite de programme.